Aujourd'hui, à l'épisode 1 des Archéologues du Rock, on vous parle du Club des 27. Alors bonjour et bienvenue à ce premier épisode des Archéologues du Rock. Ici Caroline Bélanger et Hélène Lorrain et ça nous fait très plaisir de vous accueillir dans notre univers. Bonjour Hélène. Salut, ça va bien? Ça va très très bien et toi? Oui, absolument. Et ça sent le printemps dehors, c'est très encourageant. On va commencer par se présenter. Dis-moi, tu sors d'où Hélène Lorrain? T'es qui, toi? Tu peux m'appeler Docteur Lorrain, premièrement. Aïe! La semaine dernière, effectivement, j'ai complété avec succès la soutenance de ma thèse. Bien, félicitations, c'est merci le temps beaucoup. Passant. La soutenance, qui est la dernière étape, en fait, non, l'avant-dernière, mais bon, on va pas aller dans les technicalités non plus, là. Donc, oui, ça a été vraiment une thèse très excitante à écrire, j'ai adoré ça. Et avant de faire ma thèse, j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur les compétitions d'Air Guitar. Donc, je suis une chercheure en musique populaire. On va mettre ça au cours. Voilà. Ah, c'est génial. Je t'envie un peu, en fait, de faire ça. En ce qui me concerne, moi, je suis d'abord et avant tout une mélomane et une musicienne, mais professionnellement, j'ai pas de parcours semblable au tien. Alors voilà, ça fait depuis aussi longtemps que je me souvienne que je suis très, très intéressée par la musique, dont l'univers de la musique populaire, mais bon, aussi beaucoup le jazz et ces choses-là. Et ça fait maintenant une vingtaine d'années que je suis guitariste et chanteuse, notamment au sein de plusieurs formations, dont la plus récente, qui s'appelle Maître Corbeau, et dont vous entendrez parler prochainement, je le souhaite. Et moi aussi, je t'envie, parce qu'être musicienne est un grand rêve de vie que je n'ai jamais fait. Et voilà, soyons amis. Et aux archéologues du rock, qu'est-ce qu'on va essayer de faire durant les prochains mois, on espère, peut-être même les prochaines années, c'est d'aller derrière les enjeux de certains événements, artistes, phénomènes de la culture rock, afin de déterrer, déterrer ce qu'il y a en dessous et voir comment ça peut être intéressant. Donc, on va s'amuser en apprenant. Et voilà! C'est le fun aussi que je puisse faire ce travail-là avec toi parce que tu as de la méthode de recherche et je risque, grâce à ça, d'apprendre beaucoup. Je trouve ça bien. Donc, si tu es d'accord avec ça, j'enchaînerai tout de suite avec un premier extrait musical qui, cette fois-ci, va être un montage. Oui, absolument. Et on vous revient tout de suite après. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. Take it! On vient d'entendre un montage qui réunit les représentants peut-être les plus connus du fameux Club des 27. Brian Jones des Rolling Stones, Jimi Hendrix, Jim Morrison des Doors, Janis Joplin, Kurt Cobain de Nirvana et bien sûr Amy Winehouse. Il s'agit d'artistes qui ont en commun le fait d'être morts à 27 ans. Certains ont fait du Club des 27 un véritable mythe. Il y a même un livre à ce propos qui s'appelle « The 27th, The Greatest Myth of Rock and Roll », qui a été publié en 2008, avant la mort d'Amy Winehouse. Mais ce qui est intéressant de ce livre-là, non seulement c'est un livre qui est magnifique, qui vaut la peine d'être feuilleté, d'être lu, mais dans son titre à proprement parler, on nomme ce mythe-là comme étant le plus grand mythe de l'histoire du rock and roll. Donc, ça, c'est très intéressant. Si vous voulez, vous allez retrouver le lien sur la page web des archéos pour en savoir plus à ce propos. Hélène, dis-moi, un mythe, par définition, qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs définitions du mot mythe. Quand, quand, quand on les compare toutes, quand on les prend toutes en considération, plutôt, ça pointe vers une certaine étude des imaginaires. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on va plus se concentrer sur la définition anthropologique du mot mythe. Donc, des mythes, ce sont des récits qui ont jadis été considérés véridiques, mettant en scène des personnages héroïques, des dieux surhumains, mais le mot le dit, ce sont des dieux, des pouvoirs fantastiques, des hommes avec des pouvoirs fantastiques, des exploits qui ont été faits selon une inspiration divine, des fois aussi des pactes avec le diable, toutes ces questions-là. Oui, on va y revenir, ça, d'ailleurs. Oui, on va y revenir. C'est un peu le but de l'épisode d'aujourd'hui, d'ailleurs. Parlant de but, ma chère, aujourd'hui, c'est ça. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de démontrer l'importance de la notion mythologique dans la culture et l'esthétique rock'n'roll. À travers le Club des 27. Oui, notamment pour aujourd'hui, parce que le mythe, c'est quelque chose sur lequel on va revenir sans doute dans d'autres épisodes en traitant d'autres aspects. Mm-hmm. Tu viens de parler de pacte avec le diable et ça me fait penser au tout premier représentant du Club des 27. Il s'agit de Robert Johnson, qui est un bluesman qui est décédé en 1938. Très bon musicien, mais ça n'a pas toujours été le cas. Apparemment qu'au début de sa carrière, on lui prédisait pas un grand avenir parce qu'il était très ordinaire en tant que guitariste et que miraculeusement, en l'espace de 2 ans, il serait devenu excessivement bon. Donc les gens ont commencé à dire de lui qu'il avait pactisé avec le diable, ce que lui-même n'aurait pas démenti parce que on dit qu'il se serait amusé à mousser cette légende-là en racontant à qui voulait bien l'entendre que par un soir très sombre où il s'était perdu avec sa voiture, il était en train de s'assoupir au volant quand à un moment donné, une petite brise fraîche lui a caressé le visage et qu'il s'est relevé pour voir qu'il y avait une espèce de personnage un peu inquiétant devant lui avec un grand chapeau qui aurait pris sa guitare, qui l'aurait réaccordée, qui en aurait joué quelques notes avant de la lui remettre. Et que c'est à ce moment-là que Robert Johnson s'est mis à jouer de la guitare comme on sait qu'il est capable de le faire. Il est vraiment, c'est un excellent guitariste. Voilà, donc on va entendre tout de suite. En fait, non, malheureusement, on n'entendra pas précisément ce qu'il est capable de faire parce que ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est la pièce Me and the Devil, mais qui va être interprétée par Gil Scott-Heron, un jazzman. Et un poète. Et poète, tout à fait. Qui a fait une belle interprétation de cette pièce-là. Alors, on écoute tout de suite. Alors, on voit que la légende de Robert Johnson est encore bien en vie. Il y a eu Gil Scott-Heron qui a fait cette chanson-là avant que lui-même ne décède à l'été 2011. Mais il y a des films qui ont été faits sur la légende du Carrefour et Robert Johnson. Il y a d'autres chansons qui ont été faites. Il y a aussi un épisode de la série Supernatural qui a été fait aussi sur Robert Johnson. Donc, et c'est une des grandes influences de Keith Richards qui est... le guitariste des Rolling Stones qui extrêmement important dans la culture rock. Et on peut se demander si ce mythe-là est vieux, le mythe du Club des 27, oui. Puisque Robert Johnson est décédé en 1938. En fait, la création du mythe est imputable à la mort rapprochée, soit entre 1969 et entre 1971, de quatre des membres les plus connus du club, Brian Jones des Rolling Stones, lui aussi, Jimi Hendrix, Janis Joplin et Jim Morrison. Un petit fait comme ça à noter. Oui, donc cocasse de l'histoire du rock, c'est que Brian Jones et Jim Morrison sont décédés la même date à 2 ans d'intervalle. Brian Jones, le 3 juillet 1969, dans sa piscine, et Jim Morrison, le 3 juillet 1971, dans un appartement à Paris. Eh bien, tu me fais penser, Jones, dans sa piscine, ce gars-là venait juste de se faire renvoyer du band, je pense. Ça faisait quelques semaines, en effet. OK. Et on dit aussi que son jardinier. Ben, quelque part, c'est un jardinier, un homme à tout faire, jardinier, rénovateur et tout. Là. Oui, c'est ça. Cet homme-là aurait, il y a quelques années, sur son lit de mort, avoué qu'il aurait tué Brian Jones. Oui, il y a même un film qui a été fait, je pense que ça s'appelle Stone, en tout cas, c'est la biopic de Brian Jones, un téléfilm retraçant la vie du guitariste, multi-instrumentiste même, fondateur des Rolling Stones, qui prend cet angle-là très spécifiquement, donc de l'homme à tout faire qui aurait tué Brian Jones, car il était rendu insupportable. Mais revenons à nos moutons. On se posait la question à savoir si le mythe du Club des 27 est vieux ou pas. Bon, on voit que ça date de la fin des années 60, mais c'est pas le premier mythe du genre à exister. Il y a notamment la malédiction de la 9e symphonie, selon laquelle certains grands compositeurs mourraient après avoir écrit leur 9e, le premier étant Beethoven, qui a été suivi entre autres par Schubert, Dvorak, Bruckner, Mahler et quelques autres aussi. Ne se rendent pas à la 10e, donc. Non, c'est ça, qu'ils ne se rendent pas à la 10e. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre de la création de ces mythes-là? C'est notamment une manière pour les supporters, les fans... Les supporters, moi, je suis trop dans le canadien. Les fans, les auditeurs, de sens d'une vie créatrice qui semble, ma foi, brûler carrément les musiciens. C'est un peu, si on veut, une façon de justifier que l'on ne soit pas tous extraordinaires. Aussi, en effet, oui. OK. Donc, on invoque des raisons divines et des pactes avec le diable pour mieux faire ça, pour mieux comprendre comment ces gens-là peuvent se retrouver à mourir très jeunes et avec encore beaucoup de choses à faire devant eux. Oui. Dis-moi, Caroline, c'est quand la première fois que tu en as entendu parler du Club des 27? Oh, écoute, je pense que c'est adolescente à l'époque où mes amis et moi, on se réunissait dans le sous-sol de quelqu'un de la gang pour écouter de la musique. À l'époque, on écoutait surtout de la musique progressive, du King Crimson, du Frank Zappa, du Gentle Giant, du vieux Yes, des trucs comme ça. Et puis donc, évidemment, eux, c'était... Ça allait de soi presque de discuter du mode de vie de ces musiciens-là, puis c'est comme ça que c'est arrivé sur le sujet. Et toi? Moi, dans un petit livre qui s'appelle « Je me souviens du rock », écrit par le journaliste rock français Gilles Verland, dans ce petit livre-là, il raconte 500 souvenirs par rapport au rock. Et le souvenir 145, et non pas 1945, le souvenir 145, il dit « Je me souviens que Brian Jones, Jimi Hendrix et Janis Joplin sont tous trois morts à l'âge de 27 ans, Jimmy et Janis à quelques semaines d'intervalle au début de l'automne 1970. Quand Kurt Cobain est mort en 1994, à l'âge de 27 ans, personne n'a fait le rapprochement. » Donc, c'est la première fois que j'en ai entendu parler. Oh, ben c'est cool! Parlant de musique de mon adolescence, la prochaine pièce qu'on va écouter, en fait, ça va être un extrait d'une pièce de Uriah Heep, parce qu'on sait que le bassiste Gary Tane est mort à 27 ans lui aussi. Et d'ailleurs, petit fait cocasse, il aurait été consacré pire bassiste des années 70, ni plus ni moins. Donc, l'extrait qu'on va entendre provient de la pièce de Magician's Birthday. Et ce que j'aime bien, moi, de cette chanson-là, c'est qu'à un certain moment, on a vraiment l'impression qu'il y a une guerre entre le bien et le mal, et ça se traduit beaucoup par le solo de guitare que j'ai choisi de vous faire entendre. Il y a vraiment une guitare qui se tient dans les aigus, l'autre qui est un petit peu plus grave, et ils ont l'air de se répondre, et je trouve ça très intéressant. Alors, Uriah Heep, The Magician's Birthday. Yeah. on peut penser que le Club des 27, c'est quelque chose qui a parti avec Robert Johnson en 1938 et qui a vraiment pris de l'ampleur avec les décès dans une courte période de temps de, en 1969 et 1971, comme je l'ai dit. Mais en fait, on peut inclure des gens dans le Club des 27 qui sont décédés bien avant. Un des premiers dans la gang des 27, c'est Louis Chauvin, un musicien de ragtime qui est décédé le 26 mars 1908 de la syphilis. Oh, tiens donc! Eh bien. Et puis, plus tard, Leslie Harvey aussi, qui est le guitariste dans un groupe, en fait, qui était la réponse du groupe de Janis Joplin, dont le nom m'échappe, je suis désolée, donc qui était la réponse britannique, un groupe qui s'appelle Stone the Crows, qui était guitariste donc pour ce groupe-là. Il est décédé d'une électrocution à l'âge de 27 ans, 1972. Dee Boone, le guitariste et leader et chanteur du groupe de hardcore californien The Minutemen, qui est décédé le 22 décembre 1985 dans un accident de van. Richie Edwards, le leader, mais cette fois-ci le parolier principal et guitariste du groupe Manic Street Preachers, un groupe britannique et gallois, pour être très précise, qui n'est pas décédé, lui, est disparu de manière très tragique. Et on aurait, je pense, à ce jour, jamais retrouvé son corps. Il est présumé mort. Oh, d'accord. Je ne peux dire que ça. Je suis contente, moi, je suis présumée vivante. Ça fait vraiment mon affaire. Donc, lui, il a été porté disparu à l'âge de 27 ans. Manic Street Preachers, qui est un de mes groupes préférés, je dois le dire, je les aime vraiment beaucoup. Et le Club des 27, même, ça dépasse le monde du rock. Il y a d'autres personnes, et oui, malheureusement, qui décèdent à l'âge de 27 ans. Jonathan Brandis, le petit gars dans L'Histoire sans fin 2, est décédé en 2003. Il s'est pendu, donc c'est vraiment une histoire tragique. Ben, là, quand tu meurs à 27 ans, d'habitude, c'est tragique. Il était en dépression, ça allait vraiment pas bien, décédé à 27 ans. Le pauvre. Écoute. Ceci dit, on vous fait une liste relativement exhaustive des gens qui sont décédés et qui font partie du club, mais si vous voulez la liste complète de ces noms-là, elle est disponible notamment sur Wikipédia, mais on va mettre un lien sur la page web des archéologues tout de suite après l'émission. Donc, là-dessus, je nous dirige tranquillement pas vite vers le prochain extrait musical, qui cette fois va être de Linda Jones, qui, elle, est décédée de complications dues au diabète entre deux représentations qui étaient prévues pour une même journée. Donc, voici Hypnotized de Linda Jones. Yeah. Il y a une étude qui a été faite en 2011 par rapport au Club des 27, une étude scientifique qui est sortie dans le British Medical Journal, le BMJ, et qui s'appelle « Is 27 really a dangerous age for famous musicians? Retrospective cohort study » par des statisticiens, dont on va dire le premier parce que c'est un peu trop long, tout ça. Martin Wolkowitz. Ah, c'est donc. Wolkowitz. Ça sonne bien. Oui, Wolkowitz peut-être. donc, il étudiait là-dedans s'il y a vraiment un risque accru à l'âge de 27 ans pour les musiciens connus. Donc, tous les mots de ma phrase sont importants. Donc, ils ont utilisé un échantillon de 1046 musiciens. Il fallait que ces musiciens-là aient eu un numéro 1 au palmarès des albums britanniques, les albums les plus vendus, mais en Grande-Bretagne. OK. Voilà. Donc, ce qui fait en sorte que, genre, une artiste comme Janis Joplin ne faisait pas partie de l'échantillonnage parce qu'elle n'a jamais eu d'album numéro 1 en Grande-Bretagne. Et ils ont trouvé, par leur échantillonnage, qu'il n'y a pas particulièrement de risque accru à l'âge de 27 ans de mourir. En fait, il y a trois petits pics dans leur... Désolée, j'ai touché le micro. Il y a trois petits pics dans le d'âge où on est plus susceptible de mourir en tant que rockstar. 25 ans, 27 ans et 32 ans. D'accord. Il me reste un an pour devenir une rockstar. Moi, je pense que j'ai déjà tout épuisé. T'es safe! Et puis, il y a d'autres études qui existent par rapport à aux facteurs, non pas aux facteurs de risque, mais la mortalité des rockstars. Et c'est quand même un consensus dans le monde médical que les rockstars sont plus à risque de mourir plus jeunes. Pourquoi 27 ans? C'est un peu hasardeux comme chiffre, mais c'est surtout parce que la plupart de ces artistes-là ont commencé à connaître le succès au début de la vingtaine. Et bon, c'est soit qu'ils ont eu un numéro 1, et bon, ils ont commencé à faire des sous et à avoir accès à toutes sortes de substances et à un mode de vie qui était beaucoup moins reposant. Et qui fait vieillir le corps plus vite, tout simplement. Donc, des abus d'alcool, des abus de drogue. Mais c'est beaucoup dû au fait qu'il commence à être reconnu assez jeune dans la vingtaine. Et que ça prend donc à peu près 5 ans pour que les... Pour se scraper bien comme il faut. Oui. Voilà, en bon français. Qu'est-ce qu'on écoute? On va aller... pourquoi pas. On va aller écouter une pièce de Badfinger qui s'appelle « No Matter What ». Parce que Pete Ham du band est décédé lui aussi à l'âge de 27 ans, évidemment, d'un suicide. Mais c'est une histoire qui est assez intéressante parce que notamment, il faut savoir que Badfinger est un des seuls, si ce n'est pas le seul groupe à avoir été produit sous l'étiquette Apple, qui était l'étiquette des Beatles. Oui. Et, dont on va vous parler un jour parce que c'est vraiment une aventure fascinante, l'aventure de Apple des Beatles. Mm-hmm. Bref, Pete Ham aurait eu des problèmes avec le gérant de l'époque qui était apparemment une personne exécrable. Une crapule, oui. Voilà, c'est quelqu'un qui a abusé d'eux de toutes sortes de façons et qui probablement est venu à bout des nerfs et du moral de Pete Ham et qui serait presque directement relié à son décès. Selon sa propre lettre de suicide, directement lié à son décès. Ça pouvait pas être plus clair. Alors, on y va avec No Matter What de Bad Fingers. I will always be around. sur ces douces notes, je dois faire mes mea culpa parce que pendant l'extrait musical, je me suis fait violemment taper sur les doigts. Parce que nous devons dire bad finger et non bad fingers. J'avoue que je capote avec ce genre de détails-là. Oui, c'est vrai, elle capote avec ces... Non, non, il n'y a pas de souci. Parlant de ce band-là, c'est intéressant de faire la parenthèse que c'est eux qui sont les compositeurs de la pièce qui a été rendue célèbre par Mariah Carey, Without You. Et originalement, Harry Nilsson, dans les années 70. Oui, tout à fait. Et on a eu une version aussi délectable de cette pièce-là qui s'appelle le Kenley, qui se trouve sur Internet et qui, pourquoi pas, va se retrouver sur la page des archéos cette semaine parce que c'est délicieux. Donc, parlons un peu de l'origine du mythe des 27. Ben, quand on pense, en fait, à vendre son âme au diable pour avoir un talent musical qui dure quelques années, ça fait référence à la légende de Faust. Mm-hmm. Ou Faust, j'ai jamais vraiment su comment bien le prononcer à la française ou à la germanique. Donc, Faust, à l'origine, c'était un savant, c'est quelqu'un qui connaissait beaucoup de choses, mais qui, selon lui, n'en connaissait pas assez. Il était vraiment ennuyé et il ne savait pas vraiment quoi faire. Donc, il a demandé au diable de lui faire connaître tout ce qui est... avoir accès à encore un plus grand savoir et à connaître aussi les plaisirs de ce monde. Mm-hmm. Donc, le diable lui a accordé cela, mais l'autre côté de la médaille, c'était qu'il allait reprendre son âme assez rapidement, merci, et transportant en enfer et vraiment une fin moribonde et tragique. Voilà. Voilà, il y a une belle version d'ailleurs de Faust qui a été présentée l'année dernière à l'Opéra de Montréal. Et c'est mon cousin Denis qui était derrière l'orgue. Voilà, voilà. La plug est faite. prochain extrait musical est assez intéressant parce qu'il réunit deux des membres du Club des 27. Et il s'agit de Pigpen des Grateful Dead et de Janis, que l'on connaît aussi. La chanson s'appelle Bring on Your Love Light. Turn on your love light. Merci. Oui. Il s'agit à proprement parler d'un jam qui a été fait à plusieurs reprises dans plein de festivals, plein de contextes différents. Mais l'extrait qu'on vous présente est unique du fait que Janis se retrouve dessus et que c'est vraiment un momentum qui, lui, ne s'est pas reproduit les autres fois où ils ont jammé ce thème musical-là. Pardonnez-nous de la qualité de l'enregistrement. Ça a été assez difficile à dénicher, donc ça sonne pas tonne de briques, mais c'est le fun à entendre. Donc, allons-y. Love now, some of you. Love light now, some of you. Love light now, some of you. Love light now, some of you. Love light now, some of you. Love light now, some of you. See, love light now. Love, love, love. Oh, you love me. You love me. I said, honey, you know it ain't too hard to turn on. I said, I know it can't be too hard to turn on. Keep on. Ha. Wait a minute, ha. Now. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. How could it ever be? How hard could it ever, ever, ever be? I said, when you gotta show it. I said, when you know when you gotta feel it. I said, you know, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, when you're gonna show it to somebody. Oh, love life. Oh, love life. We love life. Oh, love life. Oh, love life. Sometimes. Begin home. I asked my baby. I know you did. Please, why don't you turn on your light? Let it shine. Let it shine on me. Love light. Let it shine. Love light. Shine on me. Love light. All I need is your love. Love light. Some of your love. Love light. Some of your love. Light. Some of your love. Love light. Why don't you let it shine? Shine on me. All right now. Shine on me. your time now. Come on now. It's all right. All right. Got to be better. All right. Got to be better. Well, I know you got to be. Yes, I do. I know you got to be. Come on. Got to be all right. Some of your love. Ah, les années 60, je crois que ça, la vie qui richait était en noir et blanc aussi à l'époque. Oui, c'est ça, et en brun. Il y avait du brun, du noir et blanc, puis du grichage. Oui. Quelle belle époque. Ben, c'est déjà l'heure du mot de la fin. Oui. Donc, on vous remercie énormément d'avoir été avec nous cette semaine, en espérant vous retrouver dans deux semaines pour le prochain thème qui sera... Les femmes dans le rock, première partie. Oh oui, parce que Dieu sait qu'il y en a des choses à dire à propos des femmes et du rock, alors on va faire ça en deux parties. Au moins. Au moins. D'ici là, on vous invite à vous rendre sur le site www.archéologueaupluriel.com où vous allez trouver... du contenu divers, que ce soit des liens vers des trucs, des événements culturels en ville. Quoi d'autre, Hélène? Les actualités concernant les archéologues du rock même. Oui, des fois, on va faire des petites blagues, des petites niaiseries sur, oui. Sur cette page-là. On aime bien ça. Surtout moi. J'osais pas le dire, non, c'est pas vrai. On a aussi une page Facebook que vous pouvez visiter et liker en bon français, encore une fois. Les archéologues du rock, oui. Là aussi, il y aura des actualités, des fois des liens vers des petits documentaires sur YouTube, par exemple, ou tout.tv. Des photos, toutes sortes de choses. On a un compte Twitter aussi, mais Madame Lorrain le boude, donc il n'est pas très vivant. J'aime pas Twitter. Elle aime pas ça. Il n'est pas très vivant actuellement. Et sur ce, on vous remercie beaucoup encore une fois. Et on à la prochaine!